بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس 98 في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام aujourd'hui le cours numéro 98 dans l'explication du chapitre de la prière tiré du livre عمدة الأحكام ووصلنا إلى الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. Le quatrième hadith, selon Aïcha رضي الله عنها, qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été son linceul, le linceul qu'il avait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était composé de trois vêtements blancs, yéméniya, trois vêtements blancs qui venaient du Yémen. Il n'y avait pas de kamis ni de imama, de turban. Ra'ina sabiqan anna Allah tabaraka wa ta'ala karrama bani Adam. On a vu précédemment que Allah tabaraka wa ta'ala, il a valorisé, il a honoré les enfants, la descendance de Adam, l'être humain. Wa min dhalika az-zawaj. Fa banu Adam yatazawwajun, il y a parmi cela donc le mariage. Les êtres humains se marient. Khilafan lil baha'im, contrairement aux animaux. Sauf ceux parmi les êtres humains qui veulent ressembler aux animaux ou faire pire que les animaux. Wa min dhalika at-takfin wad-dafn. Il y a parmi cela aussi le fait que le mort, on le met dans son linceul et qu'on l'enterre. On ne le laisse pas comme cela, donc à la vue de tous, et se faire manger par les autres animaux comme ça à la vue de tous. Non, l'être humain est honoré. Il est enterré, il est placé dans un kafan. Walhamdulillah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a honoré l'être humain. Fayu'khadhu min hadha al-hadith istihbabu takfin al-mayyit في الثياب البيض في ثلاثة أثواب بالذات. Et donc on comprend dans ce hadith le caractère recommandé, le fait qu'il est recommandé de mettre le mort dans trois vêtements blancs, trois vêtements blancs, donc pour son linceul. Ça c'est ce qui est recommandé, ça c'est ce qui est recommandé. Attention, وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. Et ça c'est le مذهب des quatre écoles. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن كذلك. Et tout cela tout simplement parce que c'est comme cela que le prophète صلى الله عليه وسلم a été placé dans son linceul, un linceul blanc composé de trois vêtements ou de trois couches. ولكن لو زاد المرء على ذلك فحصل أو فكفن في خمسة فقالت العلماء لا بأس. Cependant, si l'être humain il est placé dans un linceul composé de cinq couches, les savants nous disent il n'y a pas de mal. La sunna al-afdal ma fu'il bil nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur c'est ce qui a été fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله يختار الأفضل لنبيه. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il choisit ce qui est meilleur pour son prophète. Cependant, si certaines personnes sont placées dans un linceul composé de cinq couches, alors il n'y a pas donc de mal à cela. Wa kadhalika ma akhrajahu at-Tirmidhi an Ibn Abbas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit parmi vos vêtements mettez les vêtements blancs, mettez vos vêtements blancs car ce sont vos meilleurs vêtements et utilisez-le comme linceul pour vos morts. Donc, utilisez cette couleur, les vêtements blancs, pour donc vos morts. الحديث الخامس donc le cinquième hadith selon Atiyah al-Ansariyah رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré lorsque sa fille est morte. فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر. Ensuite, il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lavez-la, donc lavez sa fille avec donc le lavage mortuaire, lavez-la trois fois ou cinq fois ou plus que cela si vous en voyez la nécessité avec de l'eau et du cidre. وَجْعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, et placé dans le dernier lavage. Le dernier lavage que vous allez faire, 3, 5 ou autre, comme on verra par la suite inshallah, le dernier que vous allez faire, placé dans cette eau du camphre. Placé dans cette eau du camphre. Ou alors un peu de camphre. Et dès que vous avez fini, alors faites-moi signe. Faites-le moi savoir. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكوه وقال أشعرناها أشعرناها به. Et donc lorsqu'on a fini, on l'a fait savoir. On lui a fait savoir qu'on avait fini, alors il nous a donné son izar. Hekwahu, donc el hekwahu, c'est le izar. Et il nous a dit ash'irnaha bihi. El ish'ar, les savants ils nous disent huwa thawb alladhi yali el jasad. C'est le vêtement qui est directement en contact avec le corps. Et donc placer mon izar directement sur son corps avant les autres couches de vêtements. وفي رواية, dans une narration, il leur a dit سبعًا, donc lavez-la sept fois ou sept fois. وقال, et il a dit, donc dans une autre narration toujours, ابدأنا بميامينها ومواضيع الوضوء منها. Dans une autre narration, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit commencez par donc sa droite et aussi les endroits des ablutions, les endroits donc qu'on lave habituellement pour les ablutions. Wa anna umma atiyyah qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Et umma atiyyah, elle a dit et nous avons fait donc ra'saha, ce qui est voulu ici, donc c'est ses cheveux. Nous avons placé ses cheveux en trois nattes. On a fait trois nattes donc de ses cheveux. Fa fil hadith anna umma atiyyah radiyallahu anha hiya allati ghasalat بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي فقال بعض العلماء إنها زينب وقيل هي أم كلثوم. Et donc il y a dans ce hadith le fait que Umm Atiya, c'est elle qui a fait le lavage mortuaire de la fille du prophète صلى الله عليه وسلم. Il fut dit que c'est Zainab. Et il fut dit que cette fille donc, qui était morte, c'était Umm Kulthum. La majorité des savants voient que c'est Zainab. Pourquoi? Parce que son nom a été cité nommément dans le recueil de l'imam Muslim, Zainab. ومن هنا تأتي مسألة وهي من هو أحق بتغسيل الميت. On a un sujet qu'on doit aborder ici, c'est qui est plus en droit de laver le mort. Qui est plus en droit de laver le mort. فقالت طائفة من أهل العلم أحق من يغسل الميت الزوجان. Certains parmi les gens de science, et c'est le madhhab de Malikiya, ils nous disent que celui qui est plus en droit de laver le mort, c'est son époux ou son épouse. Son époux ou son épouse. وقالت طائفة أخرى وهم الحنابلة الحنفية والشافعية قالوا أحق من يغسل الميت هم الأقارب الأب ثم الذي يلي. Et donc, l'école shafi'ite ainsi que l'école hanafite, eux, ils voient que celui qui est le plus en droit de laver le mort, ce sont ses proches, sa famille proche, c'est-à-dire son père pour l'homme, sa mère pour la femme, et ainsi de suite. Et donc ici, on ne fait pas prévaloir les époux. وَقَالَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْلَى هُوَ الْوَصِيِّ. D'autres savants disent que celui qui est le plus en droit de laver le mort, c'est El-Wasi, c'est-à-dire donc cette personne qui, avant de mourir, elle a fait une recommandation, un testament. Dans sa recommandation, la personne elle dit « Je veux que ça soit un tel qui fasse mon lavage mortuaire. » Et donc les savants nous disent « C'est lui qui est le plus en droit de le faire. » Pourquoi ? Parce que le mort lui-même, il a demandé que ça soit cette personne. Comme a fait Elahu Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Comme Anas ibn Malik il a fait. Anas ibn Malik awsa bibni Sirin an yurassilahu wa yusalli alayhi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a donc fait la recommandation que ça soit Muhammad ibn Sirin qui fasse son lavage mortuaire et qui dirige la prière sur lui-même. Et là, ce n'était pas les proches. Ce n'était pas les proches. Mais anna al-ulama ajma'u ala anna al-rijal yurassiluna al-rijal wa al-nisa yurassilna al-nisa. Sans oublier que les savants, ils sont unanimes sur le fait que les hommes vont faire le lavage mortuaire des hommes et les femmes vont faire le lavage mortuaire des femmes. Exception des deux époux. Exception des deux époux, l'homme qui va laver sa femme ou inversement. والراجح من ذلك والله أعلم أن الأولى هو الوصي أن الأولى هو الوصي احتراما لطلب الميت. Et donc l'avis le plus juste والله أعلم c'est que celui qui prévaut est celui dont le mort voulait qu'il le lave. Le mort a fait la recommandation qu'une personne le lave de façon spécifique, alors ce sera lui qui sera prioritaire pour respecter la demande du mort. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَ. Si le mort n'a pas fait de recommandation, alors ça sera un des deux époux qui est prioritaire. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِذَنْ الْأَقَارِبُ. Pourquoi est-ce qu'on fait passer les deux époux avant les proches? Pourquoi? Exactement. Parce qu'il se peut que il arrive quelque chose durant le lavage et qu'il y a les parties de la personne qui se dévoilent. À ce moment-là, c'est l'époux ou l'épouse qui est plus en droit de laver, donc le mort. Puisqu'il connaît déjà donc son époux ou son épouse. وَيُؤْخَذُ كَذَلِكَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ تَغْسِيلَ الْمَيِّتِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. Et aussi on prend de ce hadith, on tire de ce hadith le caractère obligatoire quant au fait de laver le mort. Parce que le prophète, il l'a ordonné. وَأَمْرُ النَّبِي يَكْتَدِي الْوُجُوبِ. L'ordre que va donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam va impliquer une obligation. Et donc cela est obligatoire. عَلَى الْكِفَايَةِ. Une obligation communautaire. Si certains accomplissent cette obligation, alors les autres musulmans ne sont pas pécheurs. Et c'est là qu'on voit, ô chers frères, l'importance d'apprendre ce sujet. Comme sont nombreux, nombreux les musulmans qui n'apprennent pas comment faire le lavage mensuel. Ils sont là, comme ça, on attend. Et un jour, il y a un proche de la famille qui meurt. On fait comment? Ah, appelez Foulen, appelez un tel, il n'est pas là, il est parti au bled. On fait comment? Et donc les frères, il faut qu'on s'habitue à ça. Tu ne sais pas, peut-être que demain c'est toi qui vas avoir besoin de laver un de tes proches. Peut-être que c'est tes proches qui vont avoir besoin de te laver. Il faut que tu t'assures que tes proches, ils savent comment le faire. Tu sais très bien qu'il y a des bidats. Il y a des innovations qui sont propagées là-dedans. Surtout avec ceux qui utilisent donc les assurances. C'est l'assurance qui prend tout en charge. Allez hop, il ramène. On ramène le cachère. Clac, clac. Hein? Combien d'innovations on voit là-dedans dans ce sujet? Et donc, il faut faire très attention. Assurez-vous que vos proches connaissent ce sujet afin qu'il n'y ait pas d'acte d'innovation qui soit accompli avec vous. Il est important qu'on apprenne ce sujet, les frères. On ne peut pas rester comme cela, dans l'ignorance, sans chercher à connaître notre religion. Taïb, mais où a-t-il rassalat ? Et donc, quel est le nombre de lavages qu'on doit faire lorsqu'on va laver ce mort ? On voit dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné Ummu Atiya de laver sa fille 3 fois ou 5 fois dans une autre narration ou 7 fois. Faqala ba'du ahli al-ilm bi'adami jawaz az-ziyada 'ala 3. Certains savants, ils voient qu'il n'est pas permis de faire plus de 3 lavages. 3, c'est tout. Au-dessus de cela, c'est pas correct. Certains, وَقَالَ بَعْدُهُمْ بِعَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَ عَلَى سَبْعَ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ. Certains vont nous dire qu'il n'est pas permis de faire plus de 7 lavages. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand nombre qui a été cité dans le hadith. Et donc, on lave le mort 7 fois. Pas plus. وقال آخرون بل بالجواز أي جواز الزيادة حسب المصلحة. Et d'autres, ils ont dit non, on peut faire plus de 7 lavages en fonction de la nécessité. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. Il dit صلى الله عليه وسلم ou vous pouvez faire plus que cela si vous en voyez la nécessité. Et donc tout dépend de celui qui fait le lavage mensuel. Il se peut qu'il voit qu'on ait besoin de faire plus que cela, alors il va le faire. Cependant, on fait attention. Witr. On fait attention à ce que le nombre soit impair. 7, si tu fais plus, il faut refaire encore pour avoir le nombre de 9, ainsi de suite. Hadha al-qawl huwa ar-rajih. Et donc, comme j'ai dit, cet avis, c'est le plus juste, inshallah ta'ala, le fait qu'il est permis de faire plus que 7 en fonction de la nécessité. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui. On continue toujours l'explication de ce hadith demain après l'Asr, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.